l'époque, les PN ne souriaient pas. Non pas qu'ils étaient tristes, mais ils n'en avaient pas le droit. Les poches de Fital étaient usées et percées. Les calots et les billes faisaient guise de monnaie. La vue des bonnes filles troublait nos sens naissants. Aujourd'hui, ce sont string et décolleté plongeant. J'ai bien peur d'avoir perdu ma jolie naïveté. Depuis que le brave Quick s'est fait injustement virer. Les rires des enfants se sont maintenant envolés. On jouait à taper des lettres sur notre Minitel. Acquisition de la famille, bien loin de la DSL. Je comprends Renault et ses Mistral gagnants. Le temps est assassin et je ne suis plus un enfant. Le cauchemar où je perds mes billes a laissé place à celui où je me trouve mendiant près d'un luxueux palace. Le temps avance avec mille soucis. La peur de la mort remplace les loups sous le lit. Les BN ne souriaient pas et j'avais peur du noir. Mais pendant la journée, je ne voulais pas m'asseoir. J'avais bien trop de trucs à faire avant la fin de la récré. En moi, la vie coulait et parfois même débordait. Aujourd'hui, je suis méfiant, lui dansant, se m'a quitté. C'était mon premier amour et j'aimerais la retrouver. Et j'aimerais la retrouver. Les poches d'hôpital étaient usées et percées. Les calots et les billes faisaient guise de monnaie. Je comprends Renault et son ministre gagnant. À l'époque, les PN ne souriaient pas. J'avais peur du noir. Aujourd'hui, je suis méfiant et l'innocence m'a quitté. C'était mon premier amour, hein, je peux bien la retrouver. Le temps avance, et avec lui nos soucis. La peur de la mort remplace les loups sous le lit.